pas. Tout dépend de l'interprétation de la personne qui consultera les médias. Les médias en font des tonnes, parfois elles n'en font pas. Tout dépend de l'importance qu'ils ont donné de l'intérêt dans l'immédiat. Hier tu as entendu des tirs, ce serait ton voisin soi-disant. Tu es déjà sur les réseaux à mentir afin de faire ton intéressant. Quand tu parles trop, tu attires les problèmes retentissants. Toute vérité n'est pas bonne à dire, surtout quand ça concerne les puissants. Ah, hein. Manipulez, voulez-vous danser? Danser, danser. Hypnotisez, voulez-vous chanter? Chanter, chanter. Allumer la télé, les publicités sont bien. Tu t'es retrouvé à acheter quelque chose dont tu n'avais aucun besoin. Notification activée, l'information va et bien. Ton téléphone est noyé par de l'actualité sans aucun lien. N'as-tu pas l'impression d'être forcé, que tes opinions deviennent faussées? Ils nous infantilisent pour nous utiliser afin de nous forcer à foncer dans le fossé. Ils font jojo avec ta tête, oh gentil et douce marionnette. Quand une personne ne t'a pas trahi, tu ne peux pas savoir si elle est honnête. Ah non. Manipulez, voulez-vous danser? Danser, danser. Hypnotisez, voulez-vous chanter? Chanter, chanter. Avant son procès, tu crois que tes bottes sont comptées à la télé. On te donne tort alors que tu as raison. Si tu crois un politique en élection, t'es juste con.